Salut, comme tous les dimanches sur Radioactive, c'est Lost in Space sur le 100 FM, votre rendez-vous rock, punk, musiques expérimentales diverses et variées du dimanche soir qui attaque immédiatement avec les Flesh Eaters sur une cassette en live enregistrée en 1983. Allez, c'est parti pour les titres comme d'hab. Hein. Vous savez que vous pouvez vous référer à la page Facebook et au site de la radio. Allez, go! Drinking it, strip my name, my name, my name. district 9 and my lemonade. Le temps est venu de m'enfuir à nouveau. Loin d'ici, où tout a commencé. Un voyage de plus, accroché sur une île sans fin. Reprends la route, où tout a commencé. Dans sa forme la plus simple et masculine, le capital érotique est rendu visible et manifeste par la quantité d'expériences sexuelles accumulées. Par exemple, Charles, un journaliste français de 67 ans vivant à Paris, « Lorsque j'avais 30-40 ans, avoir un grand nombre d'amantes était très important pour moi. Si, vous voyez, la quantité était pratiquement ici synonyme de qualité. Si j'avais un grand nombre d'amantes, alors le regard que je portais sur moi-même était plus positif, je me sentais un homme différent, qualitativement différent, rencontrant plus de succès dans sa vie. » Pour prendre un autre exemple, Josh Kilmer Purcell raconte dans un récit autobiographique comment il en vint à mener une vie sexuelle très active. « Je savais qu'il me fallait avoir une sexualité bien plus active. Puisque j'étais gay, le monde entier était censé être un terrain de jeu pour ma lubricité. Ce que je faisais était-il mauvais? Comment allais-je devenir un bon gay? Raison pour laquelle, sur le coup de minuit le 28 août 1994, le jour de mes 25 ans, je décidai de fêter mon anniversaire en baisant avec des inconnus. » Oh! Pour cet homme, une expérience sexuelle pauvre produit un sentiment d'insatisfaction. Il décide alors de multiplier le nombre de ses partenaires, nombre qui devient alors une source de fierté, ce qui est une manière d'accumuler de la valeur sociale. Voici comment l'écrivain Greta Christina raconte son expérience sexuelle. Lorsque je me mis à avoir une vie sexuelle active, je pris l'habitude de compter mes relations. Je voulais me rappeler combien il y en avait eu exactement. Savoir avec combien de personnes j'avais couché dans ma vie me procurait un certain type de fierté ou d'identité pour ainsi dire. Here we go. Charles, Kilmer Purcell et Greta Christina se comportent comme des capitalistes sexuels. Dans ces récits, le capital érotique est affiché à travers la fierté qu'ils retirent du grand nombre de leurs conquêtes sexuelles. C'est dire que le désir sexuel est partie prenante d'une dynamique d'exposition ostentatoire de la valeur personnelle à travers l'abondance sexuelle qui signale que l'on est en possession d'un capital sexuel érotique. Cette stratégie sexuelle cumulative ou sérielle a été adoptée par les femmes, mais culturellement et historiquement, comme une imitation du comportement des hommes. Infectious, yeah. Infectious, yeah. Infectious, yeah. Infectious, yeah. Infectious, yeah. Le capital érotique a une signification supplémentaire. Certains sociologues considèrent qu'un capital érotique est susceptible d'être converti, comme d'autres formes de capital, dans d'autres champs, par exemple professionnels. Comme l'avance Dana Kaplan, citant un chercheur, « Donner dans sa vie un rôle considérable à la sexualité pourrait être l'indice d'une palette entière d'autres aptitudes accumulées directement, rentabilisables sur le plan professionnel. » Tels que le charme, la flexibilité, la créativité, la bonne présentation de soi et la capacité à se mettre en valeur. Et She did nothing to remove it. We don't want anyone to mind us. Sing it now that you can feel it. We're just not gonna want to feel it. We beg God for peace. Ah! Incontestablement, le domaine dans lequel le capital érotique permet d'obtenir les résultats et les bénéfices les plus directement tangibles est celui du choix d'un partenaire. Comme le suggère Catherine Hakim, les jeunes femmes considérées comme les plus attirantes au lycée avaient plus de chances que les autres de se marier jeune et peut-être même, de façon plus surprenante, d'avoir un revenu du ménage plus élevé 15 ans après la mesure initiale. Catherine Hakim montre que les femmes peuvent exploiter leur capital érotique pour s'élever sur l'échelle sociale au lieu de se tourner vers le marché du travail. On est en droit d'espérer qu'elle ne suggère pas ainsi qu'exploiter son capital érotique est aussi recommandable que de devenir mathématicienne, tisseuse ou peintre. Mais ses conclusions ont ceci d'intéressant qu'elle suppose que les marchés du mariage sont analogues au marché du travail. Ils permettent aux femmes d'avoir accès à un statut social et à la richesse dans les sociétés modernes à travers leurs atouts sexuels. Une telle approche affirme que le capital érotique fait partie intégrante du capital économique des femmes au XXIe siècle. Les femmes utilisaient certes aussi par le passé leur capital érotique pour obtenir un statut social et des avantages dont elles étaient autrement privées, mais la structure sociale et la culture médiatique contemporaine autorise et facilite la conversion du capital érotique en capital social et donc généralise ce qui, dans le passé, était la condition d'un groupe restreint de femmes. The screen gets a window and makes it bright, while I take out all the rubbish on who I don't like. There's nothing in here, I'm just ignoring my kids, spitting at some idiot I don't know. From Leeds, he told me I was gonna get smacked. For the rest of the day, I just thought about that. Should I get in the car and drive up there? Take my chances and get his address. Stick in a five and go. Stick in a five and go. Stick in a five and go. Stick in a five and go. Whoa, whoa, whoa. Stick in a five and go. Stick in a five and go. Five and go. Stick in a five and go. Whoa, whoa, whoa. Got a tip from a random and where I should go. It was highly unusual, but I was fuming, you know. I couldn't sleep at night with thoughts of pulling his tail. So I bought a uniform from Royal Mail. I know it sounds weird and it's not okay, but I got a good mate at the DVLA. So I threw him some cash and I got a postcode and a door number and a fucking road. Stick in a five and go. Stick in a five and go. Stick in a five and go. Stick in a five and go. Whoa, whoa, whoa. Stick in a five and go. Stick in a five and go. Stick in a five and go. Stick in a five and go. Whoa, whoa, whoa. Hello? Hello, is that Mr. Twitter? I mean Mr. Trees? Yeah, who's that? It's the postman. I've got a big package for you. You need to sign for it, Mr. Trees. It's massive. So can you come outside? You need to sign for it, mate. What's in it? I'm not sure. I think it's an inland address. So can you come outside? Don't know. You need to sign for it, mate. Sign for it, mate. Sign for it, mate. Sign for it, mate. First of all, there was Ray. There was... Ken. There was... Mike. Which makes... Wait a minute. There was Billy Walker. Which makes Deidre a slag. Pareille transformation explique la naissance d'un nouveau motif culturel qui envahit nos écrans de télévision depuis les années 90, celui de la recherche d'un partenaire sur un marché invisible mais omniprésent, fondé sur la compétition. Ce motif sous-jacent structure Sex and the City, série télévisée ayant rencontré un succès mondial, et The Bachelor. Toutes deux mettent en scène la sexualisation intense des relations amoureuses, l'individualisation et la complexification des processus de recherche, la situation de compétition généralisée, président au processus de l'union, la transformation de la sexualité en capital via l'expérience et les succès sexuels, avec pour résultat que la recherche et le choix d'un partenaire sont devenus un segment intrinsèque du cycle de vie, avec ses formes sociologiques, ses règles et ses stratégies. Une grande partie de la littérature de self-help et des séries télévisées fait ainsi son apparition dans un contexte particulier où la recherche amoureuse est objectivement devenue une entreprise sociologique hautement complexe. De façon plus cruciale encore, cette recherche est désormais sociologiquement scindée. la sexualité, le désir et l'amour sont imbriqués avec la stratification sociale, ils émanent de la classe sociale, fournissent un statut et finissent souvent par se conformer à une homogamie basée sur le capital culturel et donc sur l'éducation. Pourtant, le choix d'un partenaire intervient dans le contexte d'une sexualité récréative fondée sur une forme d'expérience du plaisir partagé et de la sexualité pure, sans lien aucun avec une quelconque appartenance de classe. Une sexualité récréative et la logique traditionnelle du choix d'un partenaire, basée sur l'homogamie, constituent ainsi des logiques sociologiques contradictoires. It's been 15 years. Get loaded. Wait, hold on. What are you doing? You're on national television. That's really old. Okay, this is a good one. Don't call me white. Stop it. I gotta sing with that. Do a fast one you play. Right. You're really good. That's good. I'm not the one who's running out of time. Entre la dernière fête de l'été et l'exil de l'hiver, on parcourt anxieusement ce royaume romanesque des rencontres incertaines et des mélancolies amoureuses, et on ne serait pas plus surpris qu'il fût situé hors de l'univers géographique que si à Versailles, au haut de la terrasse, observatoire autour duquel les nuages s'accumulent contre le ciel bleu dans le style de Van der Meulen, après s'être élevé en dehors de la nature, on apprenait que là où elle recommence, au bout du Grand Canal, les villages qu'on ne peut distinguer à l'horizon éblouissant comme la mer s'appellent Fleurus ou Nimègue. She screams in silence, a solid riot penetrating through her mind. We'll be right back. bass really close into my ear. It's really wrong. Like sometimes I might tie it up and I might do something. So, et le dernier équipage passé, quand on sent avec douleur qu'elle ne viendra plus, on va dîner dans l'île, au-dessus des peupliers tremblants qui rappellent sans fin les mystères du soir, plus qu'ils n'y répondent, un nuage rose met une dernière couleur de vie dans le ciel apaisé. Quelques gouttes de pluie tombent sans bruit sur l'eau antique, mais dans sa divine enfance restait toujours couleur du temps et qui oublie à tout moment les images des nuages et des fleurs. Et après que les géraniums ont inutilement, en intensifiant l'éclairage de leurs couleurs, lutté contre le crépuscule assombri, une brume vient envelopper l'île qui s'endort. On se promène dans l'humide obscurité le long de l'eau, où tout au plus le passage silencieux d'un cygne vous étonne comme dans un lit nocturne, les yeux un instant grand ouverts et le sourire d'un enfant qu'on ne croyait pas réveillé. Alors on voudrait d'autant plus avoir avec soi une amoureuse qu'on se sent seul et qu'on peut se croire loin. is inevitable. He becomes obsolete because the things that define him become obsolete. These things are part of who he is, and now they are irrelevant. Typewriters, cursive handwriting, dictionaries, encyclopedias, landlines, operators, payphones, mail, conversation, touch, sympathy, empathy, love, privacy. Thank you. Must have been asleep for Mais dans cette île où même l'été il y avait souvent du brouillard, combien je serais plus heureux d'emmener Madame de Stermaria maintenant que la mauvaise saison, que la fin de l'automne était venue.

Si le temps qu'il faisait depuis dimanche n'avait à lui seul rendu grisâtre et maritime les pays dans lesquels mon imagination vivait, comme d'autres saisons les faisaient embaumés, lumineux, italiens, l'espoir de posséder dans quelques jours Madame de Stermaria eût suffi pour faire se lever 20 fois par heure un rideau de brume dans mon imagination monotonement nostalgique. Please make some noise for Mr. Bill Stevenson from the Descendants and Black Flag. We figure that everybody asks the amazing punk rock drummer Bill Stevenson to play drums, but we thought he asked to play guitar. Okay, we'll do it side by side. Here we go. Yeah. Hey, this is Chicago, not LA. Lost in Space, toujours sur le 100 FM, il est 23h passé de quelques minutes maintenant. On vient d'écouter un instant un très bon live de Rise Against, groupe punk rock californien qui ici se produit au Riot Festival de 2012 en compagnie de Bill Stevenson, le batteur des Descendants, que l'on a écouté à plein de reprises dans cette émission, comme vous le savez si vous êtes un ou une fidèle auditeur-auditrice. C'est donc la deuxième partie de Lost in Space qui commence. Maintenant, on va retourner dans du live et dans du live plus expérimental parce que nous allons nous projeter à Brême en 1982, très exactement le 1er juillet, dans une salle qui s'appelait l'Aladin, dans laquelle on va retrouver ce que l'on pouvait faire quasiment de mieux en termes d'avant-garde à l'époque, c'est-à-dire Birthday Party, le groupe original de Nick Cave avant qu'il fasse sa carrière solo avec autant de succès. Et donc Birthday Party qui se produisent ce jour-là sur la scène de l'Aladin à Brême avec Lydia Lunch. Lydia Lunch qui est aussi une chanteuse expérimentale, on va dire très bizarre de par ses comportements. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez l'occasion, à lire son autobiographie, c'est assez saisissant. Et donc on les retrouve là, tout simplement dans un concert un peu intimiste et pas tellement bruitiste finalement. Mais vous allez voir, ça va être sympa. Allez, c'est parti, dernière partie de Lost in Space ce dimanche soir.